par saugrenue de trois gonzesses. L'une s'appelle Tam et elle a toujours le feu aux fesses. Car elle est au cœur de l'action. Ouais, c'est la chef des trois. De trois filles en combi de vinyle noir. Signé Cat Size. Signé Cat Size. Trois cambrioleuses planquées sous un œil de chat. Deuxième des trois s'appelle Cilia. Elle a les veuches courts et elle ressemble à Laura. Une méga électricienne, têtue comme un gigahertz. Un garçon manqué, impulsif mais enjoué. Signé Cat Size. Signé Cat Size. Trois cambrioleuses planquées sous un œil de chat. Planqué sous un œil de chat. La dernière et l'aînée s'appelle Alex. C'est un peu l'intello de ce groupe du beau sexe. Une manipulatrice et même prostitutrice. Ces trois nanas ont vraiment l'amour du. Cat Size. Signé Cat Size. Trois cambrioleuses planquées sous un œil de chat. Signé, signé Cat Size. Dis donc, tu t'es planté dans les noms là. Non, c'est même pas vrai.